Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Television, le magnat des médias Sumner Redstone serait un fantôme vivant. C'est peut-être un stunt publicitaire, ça ressemble à un épisode de Scooby-Doo. Dans le segment Geek CNX, la plante bionique a des circuits imprimés dans ses feuilles. De mon côté, j'ai juste des miettes de biscuits collées sur mes feuilles. Et dans Merci Science, des pilules stéthoscope pour écouter le cœur et les poumons. Au Mathieu Planchot, tout de suite. Et voici celui dont les mauvais gags sont difficiles à avaler, Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 30 novembre 2015, la chronique télévisuelle Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science, et le segment geek CNX. Dans quelques instants, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec l'excellent Samuel Girard. Mais pour commencer, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et je vous suggère d'écouter, si vous restez à l'écoute, là, sinon... Écoutez pas d'autre chose, t'sais, les gens écouteraient l'émission puis synthétiseraient leur MP3 pendant les pauses musicales parce qu'ils aiment pas le chiptune, honte à vous. Donc voici Venom avec Inspiration, tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Avec Inspiration au Mathieu Plante Show. Maintenant, voici Samuel Girard et d'un gamer à un autre. Et là, je dois deviner si c'est... attends, est-ce que c'est... je vais miser sur Diddy Kong Racing. Yes! Yes! Ça, je le savais! Dans le mille! Oh oui! Parce que je n'étais pas sûr si c'était du Banjo-Kazooie. Ah, non, non, ben non, parce qu'en fait, tu peux y aller par élimination. Ouais. Parce que je voulais pas reprendre un jeu que j'avais déjà parlé. Oui, c'est vrai, ça. Ah! C'est vrai. Ah, ça me rend heureux, ça. Diddy Kong Racing, c'est tellement le fun comme jeu de course. C'est tellement différent des Mario Kart et autres styles de ben, jeu de course. Ben, c'est ça. En fait, c'est que c'est techniquement parlant... Selon moi, c'est le seul jeu de course du genre qui a réussi à vraiment compétitionner avec Mario Kart. Oui. J'en vois pas d'autres. Non, mais non, absolument pas. Ben peut-être les Sonic All-Stars Racing sont même pas tellement là, populaires. Hein, même là, non, ça marche pas. Quoi qu'il y a eu d'autres comme... parce que le style est revenu souvent. Il y a eu aussi les Walt Disney Racing avec ouais. Les de Disney. Là, on parle des jeux de kart style dessin animé, là, pas c'est les ça. Jeux de course réalistes. Mais c'est ça, ça ouais. C'est une autre catégorie. Tout à fait. C'est pas là-dessus qu'on s'en va. Parce que sinon, il y a eu un South Park Rally. Oui. que j'ai en tête, il y a eu Lego Racer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tous oublié ça. Mais c'est ça, mais ça arrive pas à cheville de Diddy Kong Racing ou Mario Kart. Absolument pas. C'est vraiment le fun. Selon moi. Ouais, je suis d'accord. OK, c'est tous les goûts sont c'est libre à chacun. C'est ça. Mais bref, on parle pas de Diddy Kong Racing, on parle aujourd'hui de la compagnie Rareware. Exactement, donc la compagnie qui a fait exemple Diddy Kong Racing. Donc ça, j'ai choisi une chanson qui allait en lien avec la compagnie. Ça met de bonne humeur aussi. Ben, c'est exactement, c'était ça le but. Je me suis dit que si je mettais la trame sonore de GoldenEye, ce serait un peu trop sombre. Non, c'est ça. Et si t'avais mis des Donkey Kong Country, ça aurait fait comme dans tous les épisodes du Mathieu Planchon, on tenait une chanson de Donkey Kong Country à quelque part. Mais ça le pire, c'est que ça a passé proche. Hein, parce que je te rappelle que le thème au Nintendo 64, c'était le Donkey Rap. C'est vrai. Ah! Peut-être nous quitterons-nous avec ça tout à l'heure. Le P, si je voulais te le demander. Peut-être que je te vois venir. Oh! Peut-être que je suis déjà en train de chercher sur YouTube. Oh! Mais on suppose des affaires. C'est bon. Hey, on va y aller avec le début. Oui. Parler de Rare. Donc, ça a été créé en 1982 par les frères Tim et Chris Stamper. Ah. Pas le nom de famille Rare. Non, c'est ça. Non, non. Chance. Exactement. Le premier jeu, il est apparu en 86-87 au NES. C'est le jeu Slalom. OK. Je pense qu'ils en ont fait une version arcade VS Slalom. Donc, mm-hmm. ça devait être un contre un dans ce style-là. Qu'est-ce que Rare a fait? Parce qu'on les connaît surtout du Nintendo 64, un peu du Super Nintendo. Oui, oui, oui. Mais moi, bon, surtout du Nintendo 64. Oui, c'est ça, exactement. Mais je suis vieux, on le sait. T'es juste un petit peu plus vieux que moi. C'est vrai, exagère pas. J'aime ça me rabaisser moi-même. Oh. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ça a commencé beaucoup au NES, donc Nintendo Entertainment System, à partir de 87. Donc, j'ai des jeux ici comme Wizards and Warriors, RC Pro-Am, Jeopardy, Wheel of Fortune, Anticipation, Sesame Street 1-2-3, WWF WrestleMania, John Elmay's quarterback, Marble Madness, je savais pas que c'était eux. Ah, ça c'est bon, ça, avec c'est la petite bille qui se contrôle. Exactement, faut pas que tu casses. Ouais, ouais. Sinon, j'ai Cobalt Triangle, Jordan vs. Bird one-on-one, donc du basketball. J'ai Hollywood Square, encore Sesame Street ABC. Beaucoup de jeux télévisés en conversion en jeux vidéo. Exactement, c'est beaucoup de ça. Soit des jeux de sport ou soit des adaptations de jeux télévisés. Là, on sait qu'ils seront récemment revenus aux jeux de sport. En fait, on y reviendra. C'est ça. Mais... Puis on a des jeux d'aventure comme ici, j'ai en 1989 ou Frame Roger Rabbit. Okay. C'est eux qui sont derrière ça. À partir de là, donc là, ça continue là, encore du Jeopardy, Pinbot. Je dois bien tomber sur le SNES un moment donné. Solar Jetman. Ah, ça commence au Game Boy. Mais là, c'est beaucoup de remakes. Oui, qu'ils avaient déjà fait. C'est ça, ils ont juste ressorti le jeu, mais au Game Boy. Battletoads. Ah oui, le 91. Classique. Ça, c'est un vrai classique. Ne pas oublier ça. Un des jeux les plus difficiles, selon la plupart des gamers. Genre. Oui, oui, parle-moi-en pas. Je le sais, donc. Étonnamment, ils ont sorti un jeu au Mega Drive, au Sega. Est-ce qu'ils ont sorti juste un jeu? Ben, c'est Battletoads. Oh, OK, Omega. Donc, je suppose que Rare était avec une autre compagnie qui avait les droits de sortir le jeu sur plusieurs consoles. Sinon, là, j'essaie juste de déterminer c'est en quelle année que ça commence pour le... Ah, je l'ai ici. OK, 93, ça commence pour le SNES. Donc, c'est encore beaucoup de Battletoads et Donkey Kong Country. À partir de 94, c'est Donkey Kong c'est Country. C'est ça, exactement. Killer Instinct. Oh oui. Monster Max. Donkey Kong Country 2. Killer Instinct 2. Bon, encore quelques jeux de sport à travers de ça. Donkey Kong 3. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai des jeux de Game Boy à travers de ça, donc Donkey Kong Land 3. Ouais. Donc, ça va avec ça jusqu'en 96. OK. Bon. La partie qui devient intéressante, c'est l'ère Nintendo 64. Mm-hmm. OK. Là, je me suis amusé à regarder quelques jeux qu'il y avait pour l'époque Super Nintendo et Nintendo. Et là, en 93, il y a un certain Martin Hollis qui s'est joint à Rare un an avant que Nintendo achète 49% des parts de la compagnie pour en être actionnaire majoritaire. Ben, c'est ce qui a gâché l'histoire. Quasi majoritaire. Hein? C'est ce qui a gâché l'histoire, selon plusieurs. Que Microsoft rachète Rare? Non, non, non. Nintendo. Ah, OK, excuse-moi. Nintendo a acheté en 93. Ça, c'est parfait, ça. Oui, oui. En 94, je m'excuse. Excuse-moi. Donc, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, là, Rare était avec Nintendo 100%. Oui. Parce que là, avec autant de parts de la compagnie, t'es pas mal pogné avec eux. C'est là que les gros jeux sont sortis dont on a parlé tantôt. C'est ça. Mais Martin Hollis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est lui qui a fait la conception, le code de la version arcade de Killer Instinct. Okay. Ensuite, il a travaillé sur le code de GoldenEye. GoldenEye qui est le jeu first-person shooter par excellence. De référence. À la première personne, ouais. Exactement. C'est lui qui a fait les plans pour Perfect Dark. Donc, il a vraiment donné un air d'aller à Rare à cette époque-là. Et après ça, il a quitté Rare pour s'en aller dans le développement de GameCube. Ouais. Donc, ça vous donne une idée comment il était bon. Donc, même Nintendo, il a dit, regarde, viens-t'en avec nous autres. C'est là que ça l'a amené l'âge d'or du Nintendo 64. Ouais. Et c'est là que j'ai associé donc Killer Instinct Gold au Nintendo 64 à 96. Et là, on tombe dans des jeux très intéressants. Donc, on a en 97 Blast Corps, GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Banjo-Kazooie. On a Jet Force Gemini. Ensuite, Donkey Kong 64. Ça c'est il y a des jeux de Game Boy Color à travers de ça aussi, mais moins c'est surtout important. Des remakes, c'est ça, c'est des remakes des vieux, fait que Perfect Dark, Mickey Speedway USA, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day. Oh oui. En 2001. Et à partir de là, ben là, c'est là ils se sont lancés au Game Boy Advance, mais encore là beaucoup de produits dérivés ou de remakes encore de leurs vieux jeux, parce qu'on a des jeux de Banjo-Kazooie, on a encore là, peut-être que c'est des Donkey Kong Country qui ont été refaites encore une fois. Ouais. Bien refait, tu sais, c'est pas pour dénigrer le fait que c'est des remakes, mais ils tirent le pi, pas mal. C'est ça, donc c'est pas une nouvelle idée originale. Ouais. Si on prend le code, on l'adapte pour une nouvelle console. Exact. Même si étrangement, j'ai appris récemment que les Donkey Kong Land avaient été refaits à la main, les tableaux. Ah, ok. C'est quand même intéressant, je trouvais les Donkey Kong Country, excuse-moi. Ouais. C'est ça. Bref. Qu'est-ce qui faisait que ça allait si bien puis que c'était un jeu de très haute qualité un après l'autre? Mm. Là, c'est là que tout le monde se pose la question. Ben, si on sonde un petit peu les employés qui étaient là à cette époque-là, eux, ils vont vous répondre qu'il y avait une liberté unique comme ils n'ont jamais eu ailleurs. Le climat de travail était agréable. Il y avait une rigueur sur l'horaire. C'est tout le monde commençait à 9h le matin et terminait le soir. Parce que c'était plein de gens motivés qui se crinquaient entre eux autres pour toujours faire mieux. OK? Ils étaient dans un modèle où il n'était pas beaucoup. On parle d'une centaine d'employés. Ils faisaient tout du 60-70 heures par semaine. Sinon, il y avait une compétition très féroce à l'époque avec PlayStation, Nintendo. Il y avait Sega aussi à travers ça. Donc, c'était très difficile. Il fallait que tu te démarques. Mm. Et ça faisait en sorte qu'avec la liberté qu'on laissait et ce contexte-là, ben ça poussait trop les gens de Rare à aller plus loin. Ouais. À avoir de l'imagination, à Exactement. Trouver des nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses. Et quand quelqu'un voulait essayer quelque chose, il y a personne qui disait non, nous autres on fonctionne de même. On veut une valeur sûre. Ouais. C'est ça, exactement. Donc ça a été la clé du succès. On arrive maintenant en 2002 et là, on le sait, avec le contrat avec Nintendo, ça faisait en sorte que Nintendo devait, au bout d'un certain nombre d'années, acheter le 51% des actions qui restaient. Sinon, eh bien, Rare devait trouver quelqu'un d'autre pour le 49% qui appartenait à Nintendo. Et puisque Nintendo avait seulement reconduit d'un an le contrat, il se doutait bien que ça allait pas être renouvelé. Ça, c'est vraiment la gaffe, là. Ben, encore là, il aurait pu s'en mêler. Mais c'est vraiment Microsoft qui a été très incité parce qu'ils voulaient plus justement que leur compétiteur ait Rare. Ouais. C'est ça un peu le jeu. C'est pas un mauvais coup de Nintendo, c'est plus un bon coup de Microsoft d'avoir réussi à mettre le grappin dessus. C'est ça. Okay. Puis eux autres, peu importe le résultat, l'important, c'était que Rare ne produise plus de jeux pour Nintendo. Ouais. Tu vois-tu un petit peu le jeu qui se dessine rendu là? Donc, en fait, il y a eu trois groupes. Nintendo, Activision et Microsoft. OK. C'est Activision qui a gagné. Ah oui, pour vrai? Ben oui. Ah. Mais je sais pas pour quelle raison. Il aurait fallu que je fouille un petit peu plus là-dessus. Mais vu que ça s'est tellement fait vite, je me suis dit que c'était pas là-dessus que je devais mettre l'emphase. Mm-hmm. Mais le contrat a planté. Okay. Ça a pas marché. Et là, Rare s'est retourné vers son deuxième choix, qui était Microsoft. Mm-hmm. Donc en fait, ils ont été un peu la roue de secours. Ouais, c'est ça. Si on peut dire ça comme ça. Ce qui était un bon coup pour Microsoft finalement. Parce qu'il y a plein de jeux qui sont sortis par après, mais... C'est ça. Des moins gros succès. Exactement. Ouais. Bon, on va y revenir. Et dans le fond, Microsoft a payé... Non, j'ai pas le montant. C'était 375 millions. OK. Ben, comment ça, j'ai pas écrit le montant sur ma feuille? Ouais. Je me l'étais pris une note pour ça. Aïe, aïe, aïe. Tu connais me trouver ça? Ouais, ben oui, vas-y donc. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même un bon montant dans les neuf chiffres. Oui, c'est ça. Dans les 9 chiffres. Je sais pas, je suis fatigué aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé 2 ans plus tard? Eh bien, les frères Stamper ont quitté. C'est ça qui est arrivé. Donc, les deux qui ont parti Rare ont quitté après l'achat par Microsoft. Mm-hmm. Et là, ça arrive, le changement de climat de travail. T'arrives pas à... J'arrive absolument pas, je m'excuse. Parce que je cherche le mot « amount », mais sur la page Wikipédia, toutes les « amount », c'est la bannière de montant qu'on peut donner en ce moment pour les dons de Wikipédia. Oh, fait que toutes les pages ouais. sont référencées avec le mot « amount ». Ça, c'est pas le fun. Ah ben tiens, je vais peut-être avoir l'information ici. Bon. Je viens de retrouver l'article justement où c'était 375 millions! Hey, t'étais exactement dessus. Wow! Oh. Hey, j'ai eu de la misère pour le 9 chiffres, mais le montant, par exemple, je suis tombé pile dessus. Je dois admettre que c'est rare que quelqu'un est plus rapide que moi en recherche, mais dans ce cas-ci, tu l'as eu. Ouais, mais là, c'est parce que j'avais déjà, je me rappelais du site que ouais. j'avais vérifié. Yes, sir. En fait, je me rappelais des mots-clés que j'avais tapés dans Google. Ça a juste bien la donnée. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le climat de travail a changé. Le nombre d'employés a augmenté. Microsoft voulait des valeurs sûres, comme ouais. tu disais tantôt. Donc, c'est venu un peu brimer la liberté d'expression que certains avaient avec Rare quand ils étaient avec Nintendo. Mm. Donc, l'horaire a changé. On dirait que c'était moins strict. La chimie était moins là. Donc, c'est venu nuire un peu. Et ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ont quitté. J'imagine, ouais, c'est ça, assez rapidement. C'est tu t'en rends compte vite là, que tu peux pas faire ce que tu veux. Ben, exactement. Et là, on se ramasse avec quelques catastrophes, dont la première catastrophe, moi, que j'ai remarqué, c'est Perfect Dark Zero en 2005. Mm-hmm. J'ai tellement été un fan fini de Perfect Dark Windows 64, t'as pas idée à quel point j'ai été déçu après seulement deux niveaux en jouant Perfect Dark Zero. Non, c'est pas ça du tout que je veux d'un jeu de ce genre-là. OK. Ça marchait juste pas dans ma tête. Changé? C'est la manière dont on joue. Ils ont basé ça un petit plus sur le stealth mode, okay. donc mode furtif. Mm-hmm. Il y a vraiment plus d'émissions d'agents secrets. Les niveaux sont plus grands. En tout cas, il manquait une petite magie, quelque chose qu'on retrouve dans GoldenEye Perfect Dark Windows 64. Puis j'embarque pas. Ouais. J'étais pas capable d'embarquer. Il y a eu Viva Piñata. On parle de. Bon. Ah non, ça c'est un remake à ADS de Diddy Kong Racing, ça marche pas. Au moins c'est un nouveau Donkey Kong de leur part, un nouveau jeu dans la famille Donkey Kong, parce que vous remarquez qu'il n'y a pas de jeu de Donkey Kong du côté de Microsoft, parce que la licence appartient à Nintendo, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de nouveau Donkey Kong par après de la compagnie Rareware. C'est ça, il y a des personnages qui n'appartenaient pas à Rare, mais parce qu'ils étaient avec Nintendo, ils avaient le droit de les utiliser. C'est ça. Mais après ça... D'où les remakes, le remake de Diddy Kong Racing, ils ont remplacé les personnages de Banjo-Kazooie par des personnages du reste de la famille de Donkey Kong au DS, c'est pas les mêmes personnages. Exactement, ouais. C'est ça. Ensuite, comme tu avais dit tantôt, des jeux de sport, parce qu'ils ont embarqué dans la mode de la Kinect, ouais. évidemment, ce que je trouve vraiment déplorable. Oui, c'est genre leur équivalent de Wii Sports. Ben c'est ça, Kinect Sports, il y a eu Kinect Sports Rival, bon, les affaires de même. Ils ont ressorti un Killer Instinct. Mais un remake encore? Ouais, exactement. Okay. C'est un remake? Un peu, Killer Instinct, on va aller vérifier. Je me demande si c'est un remake. The third in the Killer Instinct series. C'est un nouveau jeu. C'est un ouais. nouveau jeu. Okay. Ouais. C'est ça. Et le pire massacre qui m'a vraiment découragé, c'est Banjo-Kazooie Nuts and Bolts en 2008. Parle. Oui. Et ça, je trouve ça triste parce que quand on interview un haut placé de Rare, lui, il dit qu'il achète beaucoup de jeux vidéo pour son kid. Et il dit que sur la quantité de jeux qu'il avait, il y avait une époque où son kid, peu importe les jeux qu'il avait, s'il perdait Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, c'était la fin du monde. Okay. Et lui, il était tout fier de dire que Rare faisait encore de bonnes choses. Mm-hmm. ouais. J'ai de la misère avec ça. Ouais. Ça marche pas dans ma tête. C'est clairement pas un jeu de Banjo-Kazooie du tout. Non, c'est ça. Mais ouais. écoute, peut-être que pour un jeune qui est dans l'âge un peu de cette fantaisie-là et qui. Construire un véhicule. C'est ça, que c'est ses premiers jeux de genre. Peut-être que c'est parfait comme jeu. Mais dans mon cas où j'ai grandi avec Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Les jeux d'aventure de plateforme un peu. Exactement. À la Mario. Exact. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas un jeu mauvais de même. Mm. Puis je pense que c'est ça le clash qui est arrivé, c'est que Rare s'est mis à faire des jeux qui ne satisfaient pas les fans. Les fans c'était finis. C'était fait pour le grand public peut-être, qui sait pas trop... Mais même là, le grand public, ça a pas été super. Mais peut-être pour certaines personnes, c'est parfait comme jeu. Ouais. Mais ça s'adresse pas à la clientèle cible de Rare, je trouve. Donc ça, pour moi, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase et qui m'a vraiment découragé totalement des produits de Rare, au même titre que les jeux de Sonic récents. Oui, ben oui, c'est ça. Ça aussi, ça a pas été, c'est franchement pas réussi. Là où Rare a essayé de se démarquer, c'est en faisant des remakes HD de leurs jeux. Ouais. Donc, il a ressorti Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Perfect Dark. Il y a eu un remake aussi, Conker Live and Reloaded, qui ont sorti sur Xbox 360, soit en download ou carrément en cassette, en CD. ouais. Excusez, côté rétro qui ressort. et ça reste les jeux comme ils les faisaient dans le temps, mais juste en plus beau et en HD. Exactement. Donc, automatiquement, c'est sûr que les fans trippent là-dessus. Mais c'est ça, sauf que en quoi est-ce qu'ils se sont forcés à faire de quoi de nouveau? Absolument pas, c'est ça. Ce qu'on veut, ce serait de nouveaux jeux dans la franchise des Conker. C'est ça, j'aimerais ça, moi, un Banjo Tree, un... Oui. Comment dire, un Conkers, Bad Fur Day 2. Ouais. Amusez-vous! Mais c'est pas ce que Microsoft veut, parce qu'ils peuvent faire de l'argent sur des jeux qui ont déjà été créés, ils peuvent payer beaucoup moins cher pour juste refaire un skin, un nouveau skin en 3D. Exactement. Refaites-en un jeu de Perfect Dark, une autre mission avec Joanna Dark, ben oui. Mais dans le style... J'ai trouvé ça un peu déplorable. Exemple, ils ont ressorti Perfect Dark. Ouais. Là, dans ma tête, je dis, ben, j'espère qu'ils nous ont donné des missions supplémentaires, des niveaux supplémentaires en multijoueur, d'autres modes de jeu, des challenges supplémentaires. Rien. C'est juste le même jeu. C'est le même jeu. C'est plate. C'est vraiment plate. Ça montre vraiment que Microsoft ne veut pas investir de nouvel argent, de nouveaux montants dans ça. Ben exactement. Je trouve ça triste, ouais. En fait. Où est-ce que j'en étais avec tout ça, là? je pars dans mes affaires. C'est ça. Donc, Rare, on est rendu en 2015. Et là, il y a deux choses qui m'ont accroché. Il y a Rare Replay. Oui, oui, oui, oui. C'est un jeu qui est sorti cet été. Sur Xbox One. C'est ça. Et là, je me suis demandé, c'est quel type de jeu, ça, Rare Replay? Je connaissais pas ce jeu-là. C'est pas des remakes de leurs anciens jeux, c'est des rééditions, des republications de leurs jeux tels qu'ils étaient à l'origine. Donc, par exemple, Battletoads, version NES, c'est un émulateur, finalement, qu'il y a dedans, là, si on veut. C'est ça. C'est ce que je vois ici, ouais. sur la page. Donc, on parle de Jetpack, Lunar Jetman, Attic Attack... Okay. Saber Wolf, Underworlder, Night Lore, Gunfright, Slalom, RC Pro-Am, Robot Triangle, Snake Rattle and Roll. Marble Madness est là? Non. J'espère. Non, je le vois pas. Ben, maudit. Solar Jetman, Digger, T-Rock, Battletoads, RC Pro-Am 2, Killer Instinct Gold, Last Corps, Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, Perfect Dark, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, Grab by the Ghoulies, Cameo, Perfect Dark Zero, Viva Piñata, Jetpack Refueled, puis Viva Piñata et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Donc c'est un gros... Un ramassis. C'est ça, mais ça peut être gagnant. Oui, c'est gagnant, mais tu remarques qu'il n'y a pas les Donkey Kong, il n'y a pas les Diddy Kong, parce que ça appartient la licence à Nintendo. Exactement. Et c'est vraiment malheureux, parce que ça aurait été parfait un remake de ces jeux-là sur Xbox One. On demande, en tout cas, les fans demandent des remakes haute définition de ces jeux-là depuis toujours. Ça arrivera peut-être jamais, parce que Nintendo, tout ce qu'ils font, c'est des rééditions. Un peu comme Rare Replay, c'est juste une réédition, ça coûte rien faire ça. Là. C'est ça. T'as encore fait encore là, mais tu sais, je me dis, ben, quand... à la limite, ok, parfait, c'est un produit. Ils feront pas de déception avec ça. Non, tu peux pas. C'est les mêmes jeux. C'est ça. 2016, il y a un jeu qui s'en vient de Rare, Sea of Thieves, jeu d'aventure. Donc là, multijoueur, ça va être sur Xbox One et PC, évidemment. Donc on parle de vue first person. Ok, puis ça va être un peu à la Minecraft, là, que les gens vont pouvoir bâtir, ils vont laisser une créativité aux joueurs. Mais ça me surprend pas. C'est populaire en ce moment. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça peut être le premier jeu gagnant de Rare depuis on le sait pas quand? Un retour à la gloire peut-être. Parce que je regarde la description et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir là-dessus. Ouais. Mais t'as vu que ça me rappelle un peu sur la page Wikipédia, on peut le voir si vous allez sur la page Rare Wiki, qu'ils sont revenus à leur ancien logo. Oui. Ils sont revenus au logo vintage qu'on connaît du Nintendo 64 avec un petit lustré 3D. C'est plus le rond avec le R dedans comme avant. C'est ça. Donc, s'ils veulent revenir à ce logo-là, peut-être qu'ils vont revenir à leurs anciennes façons de faire. Peut-être qu'ils ont vu que ça marchait pas, leur nouvelle génération. Là, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a compris. Ben, regarde, d'abord, on va leur laisser la créativité qu'ils méritent. Oui. Le dernier point que je vais amener dans mon analyse avant de conclure, c'est l'effet ukulélé. Oui, ukulele, le jeu à la Banjo-Kazooie. C'est ça, avec le jeu de mots avec ukulele. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Yuka et Lele, qui vont être les deux prochains personnages d'un jeu identique à Banjo-Kazooie. Vraiment, là. Exact. Mais c'est voulu. Oui, parce que c'est les anciens de Rare qui sont maintenant avec Platonic Games. Un autre jeu de mots. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui ont décidé de se faire un jeu où le Banjo est remplacé par un lézard et Kazooie est remplacé par une chauve-souris. Il se tient sur les épaules de l'autre, là, comme dans l'original. C'est ça, exactement. Ouais. Et le jeu va se jouer avec la même mécanique que Banjo-Kazooie. Là, je me dis, OK, est-ce que... Je me pose la question, si ce jeu-là est vraiment un succès et que ça ramène plein de gens vers ce style de jeu-là, est-ce que ça peut être vraiment une claque d'en face à Rare? Probablement. Et est-ce que quelqu'un de génial comme, disons, exemple Nintendo, va les racheter parce que là, ça va sortir sur la Wii U, sur la Xbox One, sur la PlayStation 4, sur OS X, sur Linux. Oui, ils sont indépendants, mais c'est clairement Playtonic et le nouveau Rare. Mais c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça qu'on doit dire. Mais est-ce que t'imagines si ce jeu-là est un succès mondial? Ouais. Ça devrait l'être. T'as vu la page Kickstarter, comment ils ont fait d'argent là-dessus? Ben, c'est ça. Un gros montant. C'est ça. Imagine, là, admettons que ça réussit, ça fait des ventes de fou et les gens ne parlent que de ce jeu-là pendant je sais pas combien de temps. Est-ce que t'imagines la claque d'en face que ça peut donner à Rare? Tellement. Ils ont fait 2 millions de livres sterling. Et... 73 000 contributeurs pour Ukulele. Et... Donc c'est vraiment énorme. Et c'est... j'adore leur slogan. C'est Ukulele, un 3D platformer Rarevival. Un revival, mais avec le jeu de mots Rare. Oh, wow. C'est clairement une... taloche, tu sais. C'est vraiment réussi. C'est parfait. C'est l'équipe créative derrière et Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country. Ouais, ça. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de ce jeu-là. Et je suis content, ça me donne une raison de plus de m'acheter une Wii U. Tout à fait. Ouais, oui, c'est ça. Et ça me donne une raison de ne pas nécessairement acheter une Xbox One. Quoique, j'aimerais acheter une Xbox One juste pour les remakes de Banjo-Kazooie, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Ben, avec un Xbox 360, tu pourrais. Je pourrais aussi. Oui, puis ça serait sûrement pas mal moins cher. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, go, vas-y avec ça. Là. Ben, profite des gens qui veulent se débarrasser de l'Xbox 360 pour s'acheter un Xbox One. Exact. Ça serait parfait. Ah oui. C'est ce qui conclut ma chronique. Donc, j'espère que j'ai pas trop rendu de gens nostalgiques et tristes en parlant ainsi contre Rare. Un petit peu. Mais dites-vous que dans mon cas, j'adore encore Rare à un point tel que je joue continuellement leurs jeux au Nintendo 64 et au Super Nintendo. Je décroche pas de ces jeux-là tellement qu'ils sont parfaits. Je suis d'accord avec toi. Ils sont parfaits. Ils sont pas juste parfaits parce qu'on est nostalgique. Ils sont parfaits parce que c'est des jeux qui ont été bien exécutés par une équipe de talent. Exactement. Ah, voilà. Voilà. Merci Samuel Girard. Hey, ça fait plaisir. On t'écoute à Génie en Liberté la semaine prochaine. En fait, ouais, pas cette semaine. Parce qu'on a des très belles rénovations dans les studios. Donc, le jeudi et le vendredi, ça va être des émissions préenregistrées et des trucs comme ça, des reprises. Donc, c'est ça. Restez à l'écoute quand même. Mais Génie en Liberté va être de retour la semaine suivante à 9h30 et les samedis matins à 10h. Exactement. Et comme on l'a dit au début de la chronique, on s'en va entendre le bon vieux rap de Donkey Kong. Yes. Merci Sam. Yeah. Can fire in spurts. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Wise et la pièce Jungle Challenge sur la trame sonore de Ukulele, futur jeu en 2016, jeu de plateforme sur toutes les consoles imaginables, un nouveau jeu des anciens de Rare qui sont maintenant chez Playtonic Games, Ukulele. J'adore ça. Et si vous, vous connaissez la musique plus récente de David Wise, qui est le compositeur des chansons de Donkey Kong Country au Super Nintendo, surtout le plus récent jeu de Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze, c'est la même ambiance, le même genre d'instrument, c'est super super bon. Écoutez en boucle. Donc voilà, pour Ukulele et David Wise, maintenant c'est Television Television. C'est Television Television, la chronique médiatique. En fait, pas juste télévision, là, c'est parce qu'on n'a pas de chronique radio et journaux, donc j'inclus tout ça dans Television Television, chronique médiatique. Commençons par le Québec, où Télé-Québec débranche le 125 Marianne. Grosse surprise qui vient de tomber. Évidemment, Hugo Dumas chez La Presse qui dit qu'il n'est pas certain de très bien comprendre le bien fondé de cette décision, mais Télé-Québec raye de sa grille horaire le 125 Marianne de Christiane Charette, une émission qui a réussi à planter 133 000 personnes devant leur téléviseur cet été, partant de pluie ou de canicule étouffante. Pour expliquer la disparition du grand plateau de la Dame en Noir, Télé-Québec sort l'argument des compressions budgétaires. Je cite, 3 millions ont été retranchés de la grille, ce qui représente 10% du budget de la programmation, et ces coupes-là font mal. Télé-Québec n'offrira donc aucun contenu original pour la saison printemps-été 2016, mais reviendra avec du neuf pour les mois chauds de 2017. Christiane Charette se doutait que les lumières dans son atelier studio en plein cœur du plateau Mont-Royal risquaient de s'éteindre définitivement. Il n'y a pas eu de chicane ou de conflit entre l'intervieweuse et son patron Denis Dubois. Ils ont lunché ensemble et Denis Dubois a visité le plateau de 125 Marianne à quelques reprises cet été. La question des fonds insuffisants a le dos bien large, nous dit Hugo Dumas de La Presse. Selon une source bien branchée, à l'émission tenait Télé-Québec en vie pendant l'été à un coût de production raisonnable. Pourquoi alors renvoyer Christiane Charette chez elle et pourquoi ne pas flusher une émission moins prestigieuse et moins performante, demande-t-il. C'est un peu la même chose qui s'était passé avec SNL Québec, qui était vraiment la raison pour laquelle les gens écoutaient Télé-Québec depuis les derniers mois, années. Ils ont débranché ça aussi. Et je sais pas, on dirait qu'ils veulent rester underground, ils veulent rester pas regardés par grand monde. On continue avec le Canada maintenant. Bloomberg TV qui se lance au Canada. Le réseau sera lancé prochainement au Québec sur Vidéotron et sur Cogeco, entre autres. En partenariat avec Bloomberg, Channel Zero lance Bloomberg TV Canada, une nouvelle chaîne de télé en continu d'affaires, d'économie et de finances. Cette nouvelle chaîne offre du contenu local et des nouvelles internationales de Bloomberg. La première émission produite localement a été diffusée en direct depuis les studios de Bloomberg à Brookfield Place, dans le centre du quartier financier de Toronto, et The Daily Brief, animée par la journaliste d'affaires Pamela Ritchie. L'émission d'une heure est diffusée en semaine à 16h. L'émission mettra également de l'avant les plus grands PDG et gens d'affaires au pays. Donc, dès janvier 2016, Bloomberg TV Canada fournira des mises à jour quotidiennes du marché des affaires en direct de la Bourse de Toronto entre 8h et 14h30. Toujours au premier trimestre de 2016, la nouvelle émission Bloomberg North fera ses débuts, un peu un équivalent, en tout cas, côté titre, c'est ce qu'on fait à Bloomberg. Aux États-Unis, on Bloomberg West, une émission sur la technologie, donc comme Silicon Valley, etc. Et Bloomberg North, maintenant, va être la version canadienne. Ça va mettre en vedette l'une des principales journalistes d'affaires du Canada. On en parlait la semaine dernière ou il y a deux semaines que Amanda Lang avait quitté CBC. Ben, c'est pour ça. Donc, diffusée chaque jour de la semaine à 18h, l'émission de 30 minutes fournira une analyse des affaires locales et mondiales et présentera des entrevues avec les plus gros joueurs canadiens de l'industrie. Bloomberg TV Canada proposera aussi du contenu provenant du flux mondial du réseau, incluant l'émission phare du matin Bloomberg avec Stephanie Rule et David Westin de 7h à 10h, Bloomberg Surveillance animé par Tom Keane et Bloomberg Markets qui couvre les marchés mondiaux. La programmation s'appuiera sur les données et analyses économiques provenant de la plateforme Bloomberg Professional, utilisée par plus de 320 000 professionnels de la finance dans le monde. Au total, 2400 journalistes répartis dans 150 bureaux nouvelles à travers 73 pays participeront à la programmation. Bloomberg TV Canada est accessible via les services de Rogers en Ontario et dans l'Atlantique, Cogeco en Ontario, TELUS, Shaw, SaskTel, MPS, Eastlink et Shaw Direct. Le réseau sera lancé prochainement au Québec sur Vidéotron et sur Cogeco. Des versions canadiennes de réseaux anglais, il y en a pas mal, sont pas tous à succès, donc on leur souhaite quand même bonne chance. Une autre chaîne financière au Canada, surtout une qui n'est pas basée au Canada en tant que telle, ça va seulement être des capsules et des émissions spécifiques. Alors qu'il y a plein de chaînes, ben plein de chaînes. Il y a quelques chaînes financières canadiennes quand même, entre autres Argent ici au Québec. C'est quoi l'autre? Business News Network, BNN, au Canada. Maintenant, Karine Velas. Dans une série à CTV, la comédienne sera en vedette dans Cardinal, série policière dans laquelle elle donnera la réplique à l'acteur américain Billy Campbell, qu'on connaît pour Helix et The Killing. Inspirée du roman 40 Words for Sorrow de l'auteur torontois Giles Blunt, la série raconte l'histoire de deux enquêteurs chargés de faire la lumière sur le meurtre sordide d'une adolescente de 13 ans dont le cadavre est trouvé dans un puits de mine. Campbell interprétera le détective John Cardinal, oui, alors que Karine Vanasse sera sa partenaire de travail, la détective Lisa Delorme. On lui donne un petit nom francophone, peut-être par l'accent qu'elle va avoir Karine Vanasse dans l'émission. On s'attend à ce que la série soit diffusée durant la saison 2016-17 au réseau CTV au Canada. On va aux États-Unis maintenant. Le magnat des médias Sumner Redstone serait un fantôme vivant. Le magnat des médias américains qui a 92 ans contrôle toujours les groupes Viacom et CBS, mais ce n'est plus qu'un fantôme vivant aux capacités mentales déclinantes, affirme une de ses proches, Manuela Erzer, dans un recours judiciaire consulté par l'agence France Presse. Je cite, mi-2014, la santé de M. Redstone a commencé à décliner après qu'il ait été hospitalisé plusieurs fois et les choses ont empiré avec le départ cet été de sa compagne depuis 5 ans, Sydney Holland, suite auquel M. Redstone est devenu un fantôme vivant. Il décrit avec divers exemples, témoignages médicaux et photos à l'appui, un vieillard lubrique, incontinent, perdant la mémoire, nourri par cathéter et incapable de tenir une conversation ou de se déplacer par ses propres moyens. Ces arguments sont rejetés par les avocats de Sumner Redstone, qui affirment dans un autre document judiciaire qu'il est toujours en état de prendre des décisions, mais cela alimente les spéculations sur la santé déclinante de celui qui préside toujours officiellement le conseil d'administration de CBS et Viacom, mais n'est plus apparu en public depuis plusieurs mois. Manuela Erzer avait été la petite amie de M. Redstone entre 99 et 2001, avait refusé sa demande en mariage en 2000, mais ils étaient restés amis proches et confidents, détaille le document judiciaire. Le concours de Mme Erzer, le recours, vise à contester son renvoi inexpliqué courant octobre de la demeure du vieillard où elle résidait depuis 2013 et la révocation au même moment de son rôle de légataire, pour les décisions concernant sa santé. M. Redstone était extrêmement exposé à des influences inappropriées et ne pouvait pas apprécier les conséquences d'une telle décision, affirme-t-elle. Dans la réponse transmise au tribunal, les avocats de M. Redstone évoquent un agenda financier personnel de Mme Erzer. Ils l'accusent de craindre surtout d'être écarté du testament du magnat, dont la fortune est estimée par Forbes à 5,5 milliards de dollars, et de préparer le terrain pour le futur recours une fois qu'il sera décidé. Dans un document séparé, Pierce O'Donnell, un des avocats de Mme Erzer, dément tout intérêt personnel de cette dernière, dénonçant une tentative orchestrée pour camoufler la vérité. Malheureusement, Sumner Redstone ne peut plus prendre de décision compétente sur ses soins de santé. Fin de la citation. L'état de santé de Sumner Redstone suscite d'autant plus d'intérêt qu'il n'a jamais officiellement indiqué les conditions de sa succession chez CBS et Viacom, qui figurent parmi les plus grands groupes audiovisuels américains. Évidemment, CBS n'a pas commenté et Viacom n'a pas répondu aux sollicitations de l'agence France Presse. Faut noter quand même que président du CA en tant que tel, c'est pas lui qui prend les grandes décisions sur la programmation et sur les allées et venues du réseau en tant que tel. Donc, le réseau est entre bonnes mains quand même avec Les Moonves. Ensuite, 50 Cent développe sa propre série pour Fox. Oui, 50 Cent, le rappeur américain reconverti en acteur pour petit et grand écran, s'est associé au producteur Will Packer de Ride Along, entre autres, et Penser comme un homme, Think Like a Man, j'imagine, pour développer une nouvelle sitcom My Friend 50. Écrit par Eva Tramer, qu'on connaît pour Angie Tribeca sur TBS, le scénario se concentre sur Amanda Kramer, une jeune femme instable persuadée que rejoindre l'entourage de 50 Cent changera sa vie et réglera tous ses problèmes. Le rappeur fera bien évidemment de nombreuses apparitions dans la série, c'est sûr qu'il va écrire une série parlant de lui-même. On ne connaît pas les autres membres de la distribution, ni la date de diffusion, ni celle du début de tournage. On ne connaît pas grand-chose, mais l'interprète de In The Club est présentement au cinéma. On se reprend. Il est dans la série Power sur la chaîne Stars. Au cinéma, il a récemment joué dans Le Gaucher et dans Espion. Toujours chez Fox, on travaille à une version télé de Rambo. La chaîne américaine Fox travaille actuellement à une version télévisée de la saga Rambo qui a mis en scène au cinéma l'acteur Sylvester Stallone dans le rôle d'un ancien combattant de la guerre du Vietnam. Co-scénariste des quatre volets cinématographiques et réalisateur du dernier, Sylvester Stallone est producteur exécutif du projet, a indiqué un porte-parole de la Fox confirmant une information du site Variety. L'écriture du scénario a été confiée à Jeb Stuart, scénariste de Piège de cristal et du Fugitif. Le format serait celui d'un film de télévision d'une heure. Téléfilm, donc, si la chaîne décidait d'adapter le scénario à l'écran, donc c'est ce qu'a précisé le porte-parole. Le programme explorera la relation complexe entre Rambo et son fils d'un film de télévision d'une heure. Ça n'a pas vraiment de sens, un film de télévision d'une heure. Un film d'une heure. D'après moi, il veut dire une série télé d'une heure, probablement. Le programme explorera la relation complexe entre Rambo et son fils J.R., ancien membre des troupes d'élite de la marine américaine, les Navy SEALs. Dans le premier film de la série cinématographique Rambo, John Rambo est un vétéran de la guerre du Vietnam qui se rebelle contre l'hostilité de policiers d'une petite ville de l'État de Washington. Il participe ensuite à diverses missions en Asie dans les trois autres volets. Un article drôlement écrit de l'agence France Presse. South Park est blâmé pour une attaque contre les roues. Oui. 10 ans après la diffusion d'un épisode controversé, une école blâme South Park pour une attaque haineuse. Le 20 novembre dernier serait survenue une attaque haineuse dans une école de Melrose, au Massachusetts. Les autorités de l'école ont clairement identifié la série animée pour adultes comme étant la raison de l'attaque dirigée vers des élèves roux. Il faut savoir qu'au cours de la saison 9 de South Park, un épisode intitulé Ginger Kids avait fait sensation. Les fans de la série avaient adoré, mais les détracteurs s'en étaient aussi donnés à cœur joie. Des attaques avaient été notées en quelques occasions envers des enfants roux et ces agressions avaient été imputées à South Park. Ce qu'il y a de particulier dans l'histoire du 20 novembre 2015, c'est que l'attaque survient 10 ans après la diffusion d'origine en 2005. Une enquête est en cours dans l'école de Melrose. Les caméras de surveillance sont notamment examinées pour connaître le plus de détails possible. Un dérivé pour Criminal Minds maintenant, une série dérivée donc d'esprit criminel, sera lancée le 2 mars prochain à CBS. La nouveauté profitera du soutien de sa série mère diffusée juste avant. Après avoir développé sa franchise Les Experts qui a disparu depuis et celle de NCIS, CBS s'attaque désormais à Esprit criminel, série qui diffuse actuellement sa 11e saison aux États-Unis. Pour chapeauter ce nouveau dérivé, la chaîne la plus regardée du pays a d'ailleurs jeté son dévolu sur l'ancien patron des Experts Manhattan, Gary Sinise. L'acteur révélé dans les années 90 grâce à Forrest Gump dirigera désormais une équipe du FBI sous le nom de Jack Garrett. Cette division se composera d'agents appelés à l'aide par des citoyens américains en situation délicate à l'étranger. L'ancien lieutenant Dan collaborera avec une équipe composée de Tyler James Williams, Daniel Henney, Alana de la Garza et Annie Funken. Criminal Minds Beyond Borders n'est en réalité pas le premier dérivé de la série. CBS avait déjà tenté l'expérience en 2011, encouragé par le succès des multiples dérivés de NCIS et de CSI. Mais Criminal Minds Suspect Behavior n'a pas rencontré le succès escompté, malgré la présence de Forrest Whitaker. Le dérivé s'est arrêté après seulement 13 épisodes, suivi en moyenne par 10 millions d'Américains. Un score qui pourrait dorénavant satisfaire CBS, puisque la série mère a attiré la saison dernière un nombre similaire de téléspectateurs. Une moyenne qui lui a permis d'entrer dans le classement des 10 séries les plus regardées aux États-Unis. Évidemment, les temps ont changé, hein? C'est pas parce qu'il y a eu 10 millions de téléspectateurs pour leur ancien spin-off qu'ils vont en avoir le même nombre pour le nouveau. Là, on est rendu en 2015 quand même. Maintenant, on va sur Internet après les États-Unis. Internet n'est pas un pays, mais quand même une catégorie choisie par moi-même. Allons-y avec Full House, la fête à la maison sur Netflix. Les jumelles Olsen seront absentes finalement. Les sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen ne figureront pas au sein de la distribution de la série La fête à la maison qui sera produite et diffusée par Netflix, la suite de. J'imagine que le titre en français ne s'appellera pas la même chose là, parce que la version sur Netflix s'appelle Fuller House. C'est un jeu de mots avec Full House. Hein? L'information a été donnée par l'actrice Lori Loughlin qui incarne Becky. Attention. T'écriras pas un article sur une de mes séries préférées pour faire une faute dans un des noms Relax News. Tante Betty, non, c'est Tante Becky. Donc les sœurs qui interprétaient à tour de rôle la Benjamin de la famille Tanner Michelle seront donc absentes de cette suite, ou en tout cas de la première saison dont le tournage vient de se terminer. La majorité de la distribution originale fera en revanche son retour. Outre Lori Loughlin, les téléspectateurs retrouveront John Stamos qui jouera Oncle Jesse, son acolyte Dave Coulier, donc le rôle de Joey, la famille Tanner, Bob Saget, Cameron Judy Sweetin et les autres. Nouvelle série qui sera un dérivé centré sur la vie mouvementée des deux aînés de la famille DJ et Stéphanie. Elle devrait être disponible sur la plateforme de vidéo en demande en 2016. J'en reviens pas comment on publie n'importe quoi sans vérifier aucun des faits. Tu sais, Google existe. Billy Bob Thornton et William Hurt dans une série sur Amazon. Amazon a donné le feu vert à la production d'une nouvelle série intitulée Trial, qui mettra en scène notamment Billy Bob Thornton et William Hurt, a annoncé le géant d'Internet dans un communiqué. Les premiers épisodes seront disponibles en 2016 pour les abonnés au service Prime d'Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Japon. La série aura pour héros un avocat désœuvré joué par Billy Bob Thornton en quête de rédemption. L'histoire est celle d'un combat suprême entre David et Goliath, avec pour théâtre le système judiciaire américain du 21e siècle. La série sera réalisée par David Semel, qui a collaboré à plusieurs programmes à succès, notamment Dr. House, Beverly Hills ou encore Dawson's Creek. Les scénaristes sont David E. Kelly et Jonathan Shapiro. On connaît David E. Kelly pour The Practice, L.A. Law, etc. Amazon s'est lancé dans la production de séries originales en 2013, donc quand même, il commence à avoir de l'expérience. Avec Transparent, entre autres, qui gagne plein de prix. Comme je l'ai dit en début de chronique, comme on n'a pas de chronique sur la radio et sur les médias, les magazines entre autres, allons-y avec un bloc qui n'est pas du tout de la télévision. On a parlé la semaine passée d'une campagne de sociofinancement pour CIBL et j'avais dit qu'il n'y avait pas assez de détails dans leur campagne sur leur page sur haricots.ca pour que je veuille donner de l'argent, donc j'ai trouvé un article qui en parle, hein? 24 heures après que le cinéma Excentris eut suspendu temporairement ses activités en raison d'une situation financière précaire, c'était au tour de la station de radio citoyenne CIBL de lancer une campagne de sociofinancement ayant pour objectif d'assurer le maintien de ses opérations la semaine dernière. La direction de CIBL, qui fête ses 35 ans cette année, souhaite amasser 35 000 $ et ainsi poursuivre sa diffusion depuis son quartier général situé dans le quartier des spectacles. Je cite « Comment s'étonner que CIBL doive se battre pour sa survie ?» alors que des journaux ferment, des radios font des mises à pied et que des salles de cinéma disparaissent. Cette campagne de financement est vitale pour nous. Monsieur Labelle, donc ça c'est le directeur général, soutient que des mesures financières restrictives importantes ont été prises au cours des derniers mois afin de poursuivre notre mission et nos mandats, dont celui de soutenir, former et propulser la relève. On en parlait d'ailleurs que la chanteuse Nadia Essediki, alias La Bronze, est la première porte-parole de cette campagne de sociofinancement. Elle fait en ce moment un tabac à travers la planète. D'autres personnalités emboîteront le pas dans les semaines à venir. Et encore une fois, pour les encourager, c'est haricots.ca/project/CIBL. Ou allez donc juste sur haricots.ca et cliquez sur CIBL ou tapez-le. Hein? Maintenant, on va dans les journaux où en Thaïlande, un grand carré blanc est apparu à la place d'un article du New York Times. L'édition thaïlandaise de l'International New York Times est apparue avec un espace vierge en une après le refus de l'imprimeur local de publier un article décrivant le malaise général et la mauvaise santé économique. C'est la seconde fois en quelques semaines que l'entreprise thaïlandaise refuse de publier un article concernant le royaume où la liberté de la presse est de plus en plus réduite depuis la prise de pouvoir des militaires au nom de la défense de la monarchie. En une, comme à la page 6, en lieu et place de l'article, une phrase apparaît, je cite, « L'article prévu à cet emplacement a été enlevé par notre imprimeur en Thaïlande. L'International New York Times et son équipe éditoriale n'ont joué aucun rôle dans son retrait. » Donc clairement, ça a été écrit par le New York Times, le message, et non pas par l'imprimeur. L'article en cause, qui est disponible en ligne, évoque les difficultés de la junte à relancer l'économie alors que les militaires avaient promis d'en faire leur priorité au moment du coup d'État de mai 2014. Contacté par l'agence France Presse, l'imprimeur thaïlandais Est Impression PCL a refusé de commenter. C'est un article concernant la mauvaise santé du roi et la question taboue de sa succession que l'entreprise avait refusé d'imprimer, jugeant trop sensible. Entre-temps, le journal avait indiqué qu'il cesserait pour des raisons commerciales la publication et la distribution du titre dans le pays. Le monarque considéré comme le ciment d'une nation très divisée fêtera prochainement ses 88 ans, ou l'a fêté. Il est hospitalisé depuis mai à Bangkok pour une infection du sang et pulmonaire. Maintenant, on va au magazine Pif Gadget, rebaptisé Super Pif. Sera de retour en kiosque bientôt. Le mythique magazine pour enfants des années 70 et 80 reviendra en kiosque à un rythme trimestriel sous le nom de Super Pif. Je me rappelle avoir lu ce magazine-là quand j'étais jeune. Donc, un format de 164 pages, vendu 9,15$ et tiré à 90 000 exemplaires. Le magazine proposera, bien sûr, des graines de sapin pour ce premier numéro, mais aussi des rééditions de BD cultes comme Rahan, Aventure de l'homme des cavernes éponymes, ou encore le retour de héros comme Pif le chien, confié à un nouveau dessinateur. Les fans retrouveront des personnages de leur enfance dans La jungle en folie, 10 centimes, Placé des museaux, Corinne et Jeannot, les Rigolus et le Tristus, ou encore les Minuscules. Le reste de l'article pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. Nous voilà au bout de Television et son accompagnement non télévisé. Allons-y avec les codes d'écoute, tiens. Pour la semaine du 30 novembre, oui. J'ai pas cliqué sur la bonne affaire. J'ai cliqué sur les talk shows. Oh non, ça va être tellement long à charger. Oh non. Allez, codes d'écoute, oui. Pour la semaine du 9 au 15 novembre, voilà. Donc, commençons par le palmarès québécois en faisant des positions 15 à 6 en rafale. TVA Nouvelle, Le Tricheur, LOL, Les Dieux de la Danse, Les Enfants de la Télé, Vlog, Au Secours de Béatrice, Mémoire Vive, Oh et Tout le Monde en Parle en direct. En 5e, Yamaska, 4e, Boomerang. En 3e, Pour Sarah, 2e, Le Banquier. En première place, Unité 9 avec 2 130 000. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, CTV Evening News, Blue Bloods, NCIS Los Angeles, How to Get Away with Murder, Gotham, Code Black, Quantico, Castle, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. et The Flash. En 5e, Criminal Minds, 4e, Survivor, Cambodia. En 3e, NCIS New Orleans. En 2e, NCIS et en première place, The Big Bang Theory avec 3 926 000 téléspectateurs. Voilà, c'est tout pour les codes d'écoute. Et on va continuer tantôt avec Merci Science, mais avant ça, en chiptune, on s'en va entendre Angel Magic. Voici A Great Apology. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. en direct sur le web sur cfou.ca. Vous êtes assez fait, 89. The Jazz Surgeon et Fresh Invader, précédé de A Great Apology par Angel Magic au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister, commençant avec un grain de sel géant version 3D pour rêver et pour s'informer. Hein? Ça vienne. À quoi ressemble un grain de sel agrandi 1 milliard de fois? Un Autrichien a répondu à ce défi esthétique et scientifique en fabriquant le plus grand modèle jamais réalisé d'une molécule de cristal visible à Vienne. Le projet de Robert Crickle, qui devrait être homologué par le livre Guinness des records, est moins vain qu'il ne le paraît. Je cite « Les cristaux, ce ne sont pas seulement des pierres qui scintillent, des pierres précieuses, ce sont des éléments importants pour notre vie quotidienne. On ne peut pas téléphoner sans eux, on ne peut pas regarder la télé, avoir d'horloge sans eux. » Fort de cette conviction, ce spécialiste de l'événementiel scientifique s'est lancé dans la modélisation en 3 dimensions d'une molécule de sel, le chlorure de sodium, agrandi 1 milliard de fois, soit 38 880 atomes rouges et blancs, et 10 km de petits bâtonnets pour les relier. La structure d'environ 3 mètres de haut, inaugurée à la mairie de Vienne, offre un labyrinthe visuel de lignes et de sphères où se perd le regard. Son record est déjà célébré par un timbre de la poste autrichienne reproduisant ce kaléidoscope rouge et blanc. Des chercheurs du MIT ont testé sur les animaux une pilule microphone qui surveille les rythmes cardiaques et respiratoires depuis le tube digestif. Les premiers résultats positifs permettent d'envisager que ce type de dispositif puisse un jour servir à surveiller les signes vitaux des malades, mais aussi des sportifs. Le stéthoscope, un instrument de base de la médecine moderne inventé au 19e siècle, sera-t-il un jour remplacé par une simple pilule à avaler? Nous n'en sommes pas encore là, mais une équipe du Massachusetts Institute of Technology, c'est toujours eux, vient de démontrer que cela serait techniquement envisageable. Les chercheurs ont créé un capteur miniaturisé équipé d'un microphone à électret qui est capable de détecter le rythme cardiaque ainsi que le rythme respiratoire à partir des sons captés depuis le tube digestif. Ils estiment que cette pilule stéthoscope pourrait faciliter le suivi des patients souffrant de traumatismes ou de maladies chroniques comme l'asthme, l'emphysème, l'arythmie. Ils envisagent également qu'elle puisse servir à surveiller la condition physique des soldats comme la fatigue, le stress, la tachycardie, mais aussi de sportifs professionnels ou amateurs. Dans leur article publié dans PLOS ONE, les auteurs de l'étude admettent qu'il existe bien évidemment quantité d'appareils pour surveiller les rythmes cardiaques et respiratoires, comme les électrocardiogrammes, l'oxymétrie de pouls, mais ils nécessitent tous un appareil fixé sur le corps. Toutes ces méthodes ont des limites, je cite ici, car elles peuvent provoquer un inconfort en étant envahissantes ou irritantes pour la peau, et nombre d'entre elles ne peuvent pas fonctionner de manière fiable en cas d'activité physique intense dans lesquelles le mouvement peut corrompre le signal. Donc, passer par la peau avec les appareils de mesure classiques n'est pas toujours faisable, notamment lorsque les patients souffrent de graves brûlures sur tout le corps. La première étape du projet a consisté à concevoir un capteur suffisamment miniaturisé pour être ingérable, donc mangeable, ainsi que l'algorithme du traitement du signal qui puisse convertir en rythme cardiaque et respiratoire les sons émis par les battements du cœur, l'inspiration et l'expiration des poumons. Il a notamment fallu gérer les bruits parasites provoqués par le frottement du capteur contre la paroi intestinale et l'incidence de la quantité de nourriture ingérée. Le premier prototype de cette pilule électronique fait la taille d'une amande et elle a été testée sur 6 porcs préalablement anesthésiés. Le capteur a été inséré par endoscopie et guidé le long du tube digestif. Les relevés ont été comparés aux équipements externes installés sur les animaux et d'après leur premier constat, la concordance entre les capteurs externes et la pilule stéthoscope est la plus élevée au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. Dans le scénario qu'envisagent les chercheurs, le capteur, une fois ingéré, pourrait rester dans le corps entre 1 et 2 jours, selon le rythme digestif de la personne, et les données seraient transmises par liaison sans fil, par exemple à un ordinateur ou à un téléphone intelligent. Même sa démonstration est probante, tout ceci reste encore théorique et il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir envisager des essais sur l'homme. Les chercheurs se concentrent désormais sur la conception d'un capteur qui soit totalement sans fil et doté de composants homologués par la Food and Drug Administration, l'administration qui gère la commercialisation des médicaments aux États-Unis. Et la prochaine étape serait de pouvoir réaliser des essais cliniques sur des patients. La luminothérapie serait efficace contre la dépression. Thérapie reconnue contre la dépression saisonnière, la luminothérapie serait également efficace pour traiter les symptômes dépressifs plus lourds. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée au Canada. La luminothérapie consiste à s'exposer le plus régulièrement possible, quotidiennement ou à raison de plusieurs séances hebdomadaires, à une lumière blanche synthétique dite à large spectre et imitant celle du soleil. La principale documentation scientifique sur son action concerne la dépression saisonnière, le Seasonal Affective Disorder, ou le SAD. Ce trouble atteint 3 à 6 % des individus, essentiellement dans les pays de l'hémisphère nord, à l'approche de l'hiver, alors que la lumière décroît. La luminothérapie est aujourd'hui reconnue comme étant une thérapie médicale reconnue pour en combattre ces symptômes. Une équipe de chercheurs canadiens a découvert que la luminothérapie, utilisée seule ou en association avec des antidépresseurs, se révélait efficace chez les adultes souffrant de dépression majeure et non saisonnière, donc le Major Depressive Disorder, le MDD. Durant 8 semaines, 122 patients atteints de MDD ont été répartis dans 3 différents groupes. Le premier associé à une cure de luminothérapie, donc 30 minutes quotidiennes dès le réveil, à un médicament placebo. Dans le deuxième, les participants étaient traités par antidépresseurs et soumis à une lumière à effet placebo, donc le contraire. On décrivait ça aux patients comme un appareil à générateur d'ions. Tout ce qui est à ions dans la vie, c'est pas mal. Je sais pas si c'est prouvé, mais on dit pas mal que c'est n'importe quoi. Là. Genre les séchoirs à cheveux à ions, puis les trucs de comment on appelle ça? Déshumidificateurs à ions. Là. Bref, sur Internet, je sais pas. J'ai pas fait mes recherches, mais on me dit que c'est de la grosse foutaise. Tandis que les membres du troisième groupe recevaient un antidépresseur et une cure de luminothérapie, donc les deux en même temps. Dans la revue JAMA Psychiatry, on dirait un nouveau groupe de reggae, JAMA Psychiatry. Les chercheurs font état de leurs conclusions. Ils y indiquent que la combinaison des deux traitements, luminothérapie et antidépresseurs, ou bien la luminothérapie seule, se révélait plus efficace que l'utilisation du placebo. Les chercheurs n'ont cependant pas pu l'expliquer. L'hypothèse la plus vraisemblable est celle de la resynchronisation du rythme circadien, régulant de nombreuses fonctions dans l'organisme dont le rythme éveil-sommeil. Intervenant dans la dépression saisonnière et qui pourrait également s'appliquer aux patients atteints de MDD. Contre la dépression saisonnière, il est recommandé d'utiliser une lampe spéciale d'une capacité de 10 000 lux maximum en s'exposant si possible le matin entre 6h30 et 7h30, une demi-heure environ durant 6 semaines. Donc écoutez assemblage prérequis entre 6h30 et 7h30 avec votre lampe d'en face, ça va être lumineux. Ça puis la voix de Tania Baudin, là, c'est incroyable. Cette technique non évasive et non toxique a également été reconnue pour potentialiser l'action des antidépresseurs. Elle augmenterait leurs effets de 30% dans le cadre d'une dépression classique, selon le docteur Laurent Schneiweiss, psychiatre et co-auteur de l'ouvrage « En finir avec les blues de l'hiver et les troubles du rythme éveil-sommeil » aux éditions Marabout. Une rose bionique intègre... On dirait un poème, hein? Une rose bionique intègre des circuits électroniques à transistors. avec un polymère conducteur injecté au cœur d'une plante. Les chercheurs de l'université suédoise Linköping ont créé des circuits électroniques analogiques et numériques. Selon eux, cette avancée pourrait permettre de surveiller et contrôler la croissance des plantes, voire de convertir l'énergie de la photosynthèse pour alimenter des piles à combustible. En attendant, la plante transistorisée peut changer de couleur sur commande d'un signal électrique. Une équipe donc de l'université Linköping en Suède a pour la première fois réuni tous les composants d'un circuit électronique à l'intérieur d'une plante. Il s'agit d'une rose bionique qui se comporte comme un circuit électronique et dont la couleur des feuilles peut changer grâce à un courant électrique. Cette réalisation n'a pas de finalité immédiate et il s'agit d'abord d'une preuve de faisabilité. Mais les scientifiques estiment que leurs travaux ouvrent la voie à des applications dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'interaction avec les plantes. Ils ont notamment évoqué des piles à combustible basées sur la photosynthèse, des capteurs et des régulateurs pour contrôler la croissance des plantes ou encore des antennes vertes. Je cite, « Des fils conducteurs et des électrodes dans les tiges, les racines et les feuilles des plantes sont les préludes à des piles à combustible électrochimiques, au transport de charge et à des systèmes de stockage qui convertissent le sucre produit par la photosynthèse en électricité. » In vivo. In vivo, c'est la suite de la phrase. Peut-on lire dans l'article consacré à leurs travaux publiés sur Science Advances et sobrement intitulé Electronic Plants? Les chercheurs y font un parallèle entre le système vasculaire qui relie les racines, les tiges, les feuilles des plantes et les interconnexions des circuits électroniques intégrés. Les expériences ont été conduites sur des roses dont le bout des tiges a été trempé dans une solution polymère nommée PEDOT-S pendant 24 à 48 heures. La substance qui est absorbée par capillarité parvient à former des fils conducteurs d'une dizaine de centimètres de long au sein du xylème, c'est-à-dire les conduits qui canalisent la sève brute, montant des racines vers les feuilles. L'écoulement de cette sève qui contient de l'eau et des nutriments n'est pas entravé par le conducteur électrique. Les fils sont mis en contact avec les canaux ioniques qui entourent le xylème, via des sondes externes recouvertes de pédos et plongées dans la tige, créant un transistor électrochimique, convertissant le signal ionique en signal numérique. Ce même transistor a également été utilisé pour créer une fonction logique. Parallèlement, les chercheurs ont tenté avec succès une autre expérience consistant à modifier la couleur d'une plante. Pour cela, ils ont inséré directement dans les feuilles une autre variante de pédo par infiltration sous vide. Le polymère a formé des cellules électrochimiques cloisonnées par les veines. Stimulées par une tension électrique, ces cellules ont interagi avec les ions de la feuille en se comportant comme des pixels changeant de couleur dans des reflets de vert et bleu. Précisons que les expériences ont été réalisées sur des plantes coupées. Une seule expérimentation de changement de couleur a été menée avec succès sur une rose enracinée. Et selon les scientifiques, la plante se porterait toujours bien. On travaille actuellement avec des biologistes pour développer des applications de suivi de la physiologie des plantes. Un flower power au sens propre, comme le souligne malicieusement l'un des auteurs de cette étude. Des nanocomposites au polystyrène seraient hyper résistants. Maîtriser l'élaboration de nanocomposites pourrait offrir d'innombrables possibilités de développement de matériaux aux propriétés uniques. En glissant quelques molécules de polystyrène dans un matériau tenace mais fragile, une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford aux États-Unis et d'IBM a mis au point un nanocomposite plus résistant et plus flexible tout en apportant un éclairage nouveau sur les limites de la ténacité de ce type de matériaux. L'arrivée sur le marché de matériaux composites a permis d'améliorer les performances de nombreux systèmes. Ces matériaux particuliers jouissent en effet de propriétés que leurs constituants élémentaires pris individuellement ne possèdent pas. Leur faible masse volumique intéresse tout particulièrement les industriels. Elle permet d'alléger les structures, ce qui, dans le secteur des transports par exemple, entraîne une réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. La promesse des nanocomposites est encore plus grande. Les chercheurs de l'université de Stanford et d'IBM proposent aujourd'hui un nouveau modèle permettant d'expliquer la ténacité de tels matériaux et ses limites. Rappelons qu'un matériau composite est formé d'au moins deux composants, une matrice et un renfort dont les propriétés se complètent. Sur un modèle semblable, un nanocomposite est un matériau composite dans lequel au moins l'un des deux composants est un nanomatériau, c'est-à-dire un matériau qui se présente avec des dimensions de l'ordre de quelques nanomètres seulement, donc un nanomètre égale 10 à la moins 9 mètres. Les propriétés des matériaux nanocomposites sont encore plus intéressantes que celles de leurs équivalents simples matériaux composites. Leur renfort présente ainsi un rapport surface-volume particulièrement élevé. Ainsi, une faible quantité de renfort peut avoir un réel impact sur les propriétés macroscopiques du matériau, à un point tel que certains n'hésitent pas à annoncer qu'à l'avenir, il sera possible de concevoir des ailes d'avion aussi légères que du bois de balsa, qui est lui-même plus léger que le liège, mais aussi résistant que les alliages métalliques les plus tenaces. Dans leur étude publiée dans la revue Nature Materials, les ingénieurs américains se sont penchés sur le cas d'une classe bien précise de nanocomposites, des nanocomposites légers, trempés par des molécules individuelles. Leur point de départ, un squelette moléculaire semblable à du verre. Cette matrice pourrait rappeler une éponge percée de milliards de pores de taille nanométrique. mais contrairement à celle que nous utilisons pour laver notre vaisselle, cette éponge-là est très fragile. Alors les chercheurs ont essayé de la rendre plus tenace en y injectant de longues molécules linéaires de polystyrène. Et c'est à ce stade-là, du processus que l'équipe a réellement innové. Les molécules de polystyrène sont en principe beaucoup trop grandes pour être confinées dans les minuscules pores de la matrice. Alors les chercheurs américains ont eu l'idée de chauffer les molécules. Pas trop pour éviter qu'elles ne se brisent, mais juste assez pour qu'elles se diffusent littéralement dans la matrice. Un mécanisme de tremble qui n'avait encore jamais été mis en œuvre et qui a apporté un nouvel éclairage sur la façon dont les matériaux nanocomposites acquièrent leur ténacité, ou dans d'autres termes, sur la façon dont ceux-ci résistent à la propagation d'une fissure. Lorsque le matériau est malmené, les chaînes polymères s'étendent hors des pores dans lesquels elles étaient confinées et agissent un peu comme des ressorts. Des ressorts que les spécialistes qualifient de ressorts anthropiques permettant de maintenir la structure du composite. Ce résultat ne bouscule pas les conclusions déjà posées par d'autres équipes qui imaginaient que ces nanocomposites devaient leur ténacité à l'enchevêtrement des chaînes polymères, un peu comme celui des fibres textiles dans un fil. Cependant, dans le cas du composite mis au point par l'équipe de Stanford et IBM, les molécules de polystyrène étaient en principe confinées dans les pores de la matrice, limitant les possibilités d'enchevêtrement. En fait, selon le nouveau modèle proposé par les chercheurs, de véritables ponts moléculaires se créent en cas de fissure dans la matrice. Des ponts... There's a glitch in the matrix, comme on dit, des fissures dans la matrice. Des ponts qui permettent de dissiper l'énergie qui mènerait sans cela à la rupture mécanique du matériau. La ténacité du nanocomposite dépend de fait de la taille des molécules de polymère utilisées et de la façon dont elles sont confinées dans les pores de la matrice. Une information qui pourrait se révéler capitale pour les ingénieurs qui cherchent à élaborer de nouveaux matériaux. Comprendre un mécanisme peut en effet aider à en contourner les limites et pourquoi pas ici à contrôler la façon dont les polymères interagissent avec les pores de la matrice, de quoi les empêcher de casser et créer une trempe colossale pour inventer le matériau parfait. Allons-y avec est-ce que je vais avec le dernier? Ouais, le dernier sera celui-ci, tiens. Des bactéries présentes dans l'intestin pourraient réguler la quantité de nourriture que nous ingérons en produisant des protéines après les repas qui envoient un signal au cerveau selon une étude menée par des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Rouen. Je cite, le modèle actuel de régulation de l'appétit implique des hormones de l'intestin qui signalent aux neurones lorsque nous avons faim ou quand nous sommes rassasiés. Pour la première fois, l'influence des protéines bactériennes sur l'émission de signaux de l'intestin au cerveau a été observée, explique l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'INSERM. De nombreuses études essaient de comprendre le lien entre bactéries intestinales et obésité, mais jusqu'à présent, on ne savait pas lesquelles pouvaient être bonnes ou mauvaises pour combattre cette maladie. Ces travaux montrent que les protéines bactériennes sécrétées par les bactéries E. coli 20 minutes après un repas peuvent être impliquées pour signaler la sensation de satiété. L'étude a été menée sur des souris, mais ce qui nous fait penser que cela est applicable à l'homme est la présence de ces mêmes bactéries E. coli. On révèle que les études précédentes se centrait sur les bactéries présentes en grande quantité, délaissant les bactéries E. coli qui représentent moins de 1% des bactéries intestinales. Seule une étude d'une équipe de Marseille avait déjà montré qu'il y avait plus de bactéries E. coli chez les personnes à faible poids ou anorexiques que chez les obèses. Après les essais menés sur les rats, il est désormais important de déterminer si les personnes obèses possèdent bien ces bactéries capables de produire des protéines qui agissent sur le cerveau en produisant ce sentiment de satiété. Si les personnes obèses n'ont pas ou en ont pas assez, on a de bonnes raisons de penser qu'on pourrait les traiter avec des probiotiques, donc des bactéries de substitution. Administrées par voie orale, les probiotiques agissent au niveau de l'intestin. Ce serait donc une activation par voie naturelle. Donc, M. Fetisov, que je citais, fait partie de l'unité mixte de recherche nutrition, inflammation et dysfonction de l'axe intestin-cerveau. Donc, c'est à l'INSERM, Université de Rouen. Voilà pour Merci Science. On retourne en musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirée par les jeux vidéo, c'est-à-dire du chiptune. Et l'artiste qu'on s'en va entendre s'appelle Yuki Kakushi. Hein? Voici My Game Boy. MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou, 89 FM. We'll be right back. Vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Avec Adventure, oui, on a entendu Venom plus tôt dans l'émission, mais quand même une deuxième pièce, pourquoi pas. Et avant la pause, c'était My Game Boy par Yuki Kakushi au Mathieu Planchon. Maintenant, c'est le moment de parler de choses très très geek. Voici Cilix. CNX, c'est la chronique où on parle de technologie en général, que ce soit informatique, jeux vidéo ou avancées technologiques. Commençons justement par les avancées technologiques avec Flatcam, l'appareil photo sans objectif plus fin qu'une pièce de monnaie. Se basant sur un procédé technique hérité de la chambre noire, des chercheurs nord-américains ont créé un appareil photo plus fin qu'une pièce de monnaie. Bien qu'il nécessite encore d'être développé, juste un petit détail comme ça, le Flatcam ouvre la voie à la création d'appareils photo vidéo extrêmement fins et flexibles qui pourraient être intégrés de manière inédite pour de nombreux usages. Les smartphones ont contribué à d'énormes avancées en matière de miniaturisation et de performance des capteurs photo vidéo, mais les capteurs photo ont tous besoin d'un objectif et l'assemblage nécessaire pour intégrer ce dit appareil photo augmente leur coût, estiment des chercheurs de l'université Rice aux États-Unis. Ces derniers ont poussé encore plus loin la finesse envisageable pour un appareil photo et leur prototype baptisé Flatcam se résume à un capteur d'image recouvert d'un masque scotché qui remplace l'objectif. Le tout est moins épais qu'une pièce de monnaie. Ce dispositif tire son inspiration technique du sténopé ou la chambre noire, mais à la place d'un seul orifice, le capteur d'image est surmonté d'un masque à couverture codée. Cette fine plaque est percée d'une série de trous répartis selon un motif précis et dont chacun joue le même rôle que le petit orifice de la chambre noire, envoyant une image complète sur l'ensemble du capteur. L'image résultante est donc brouillée, mais un calcul tenant compte du motif des trous peut reconstituer l'image. Le procédé peut paraître complexe, mais c'est de cette manière que fonctionnent les capteurs de rayons X et gamma d'instruments astronomiques comme le télescope du satellite intégral, par exemple. Actuellement, le prototype fonctionnel est fabriqué à partir de composants courants comme un capteur d'image Sony, offre une définition de 512 pixels par 512 pixels. Le traitement informatique qui nécessite une importante puissance de calcul se fait sur un ordinateur et l'appareil photo n'a pas encore été intégré dans un dispositif autonome. La reconstitution de l'image se fait à une cadence de 10 images par seconde et le délai entre la capture et l'affichage est d'environ 100 millisecondes. Bien que ça puisse paraître acceptable pour certaines applications, il y en a beaucoup d'autres, comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, où ce délai est inacceptable. Comme on peut le voir sur les exemples d'images sur assemblagerequis.com, la qualité a encore beaucoup de progrès à faire, mais l'équipe de l'université Rice se dit confiante de pouvoir l'améliorer en utilisant des méthodes de fabrication plus élaborées et en perfectionnant son algorithme de reconstitution. Par exemple, sur le prototype actuel, la proximité entre le masque et le capteur est contrainte par la présence d'un miroir infrarouge de 0,5 mm d'épaisseur qui est placé sur le capteur. Or, les concepteurs de Flatcam pensent qu'il serait possible de fabriquer des capteurs sur lesquels le masque codé serait directement gravé, ce qui permettrait de gagner en finesse et en résolution. La première course internationale de molécules voitures se prépare à Toulouse le 27 novembre. 5 équipes présenteront, c'est donc passé, présenteront leur prototype de véhicule et ses engins de quelques nanomètres de longueur et propulsés grâce à un courant électrique s'affronteront. J'adapte mes temps de verbe, s'affronteront en octobre 2016 avant de participer à la première Nanocar Race. Positionné sur la ligne de départ face à un circuit construit atome par atome sur une surface d'or, les nanocars qui ne font que quelques nanomètres de longueur étaient prêts à démarrer, activés par de brèves impulsions électriques. Comme lors d'une course de Formule 1, chaque équipe devait parcourir le plus vite possible le circuit depuis les deux atomes représentant le départ jusqu'aux deux atomes d'arrivée. Cette course microscopique a été imaginée par Christian Joachim, directeur de recherche CNRS, et Gwenaël Rappen, professeur à l'Université Toulouse 3. Si on trouvait que Gwendoline était un nom pas très beau, Gwenaël, c'est encore pire. Paul Sabatier au CEMES, le Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales du CNRS, pour tester en conditions réelles les nanovoitures élaborées en laboratoire depuis une dizaine d'années à travers le monde. C'est à Toulouse donc que ces engins de course étaient présentés lors de l'événement Futurapolis. Les participants auront jusqu'en octobre 2016 pour synthétiser et tester leurs molécules de voiture avant de participer à la première Nanocar Race. La course ne sera pas visible à l'œil nu, bien sûr. Un ensemble de microscopes à effet tunnel unique au monde situé à Toulouse permettra de suivre la course. La pointe de chaque microscope balaie la surface d'une portion de piste pour la cartographier en temps réel et donner à une nanocar l'énergie nécessaire pour avancer. Le microscope toulousain est le seul au monde à posséder 4 pointes et donc le seul à pouvoir faire concourir 4 équipes en même temps. Si plus de 4 candidats se présentent à la course, il sera effectué des courses éliminatoires. Chaque équipe aura à sa disposition des écrans de contrôle permettant de guider la voiture et dont les images seront retransmises en direct sur grand écran à Toulouse et sur le site internet de l'événement en 2016. Des courses microscopiques. Simuler une forêt qui évolue avec les années pour améliorer les jeux vidéo et aider les scientifiques. C'est l'une des initiatives qui étaient présentées. C'est ça l'émission. Faire une émission une fois par semaine, il y a des nouvelles qui se faufilent entre les branches un peu. Hein. Donc, je vais lire l'article tel qu'il est. Donc, 27 et 28 novembre, au forum des EIP, donc Epitech Innovative Projects de l'école Epitech, pour une 10e édition qui rassemble plus de 100 projets d'entreprise menés par des étudiants en fin de cursus. Depuis le début des jeux MMO, donc Massively Multiplayer Online, massivement multijoueur et en ligne, on nous promet des mondes persistants et c'est ce qu'ils sont, ils n'évoluent pas. Ce constat présenté comme le point de départ d'étudiants de l'école Epitech pour leur projet EIP pourrait ressembler à une boutade, mais il a conduit à un très ambitieux logiciel capable de simuler l'évolution dans le temps d'un couvert végétal, par exemple une forêt entière, en tenant compte des paramètres comme l'ensoleillement et les spécificités des espèces présentes. Au fil des jours, les végétaux poussent, fleurissent ou dépérissent selon les conditions, de quoi faire varier les paysages d'un jeu MMO. VES pour Virtual Environmental Systems, c'est le nom de ce logiciel, et peut être aussi utile dans le domaine scientifique pour simuler les réactions d'un milieu face à des changements extérieurs. Dans leur cursus de 4 années, ces étudiants qui apprennent d'abord l'outil informatique et la gestion de projet ont dû se confronter à la biologie végétale et à la manipulation de montagnes de données. Une forêt comporte des milliards d'individus de multiples espèces, mais ils n'ont pas trouvé de partenaire en milieu universitaire. Non, c'est ça. Une partie du travail a donc été de se renseigner sur les caractéristiques des espèces végétales, mais nous n'avons pas trouvé de partenaire en milieu universitaire. C'est donc en autodidacte qu'ils ont exploré la botanique, notamment en suivant des cours en ligne, des MOOC, dont on parle tout le temps en ce moment, Commencé en février 2014, le VES était présent le 27 novembre au forum des EIP parmi plus d'une centaine d'autres. Ces EIP s'étalent sur deux années, dont l'une à l'étranger, sur un cursus de 5 ans, et sont conçus comme des projets d'entreprise de la technique ou marketing. Les jeunes entreprises PrestaShop de France et Docker aux États-Unis sont sorties de ce moule. Aux États-Unis, à l'université de Tufts, les chercheurs apprennent au robot Nao à rejeter les ordres venant d'un homme, mais s'il s'avère dangereux pour lui. Une expérimentation qui fait fortement penser à l'une des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Si vous êtes mordu de science-fiction, vous connaissez peut-être les trois lois de la robotique de Isaac Asimov. Si vous ne voyez pas ce dont il s'agit, sachez qu'elles servent à organiser les relations entre les robots et les humains, en obligeant les premiers à ne jamais s'en prendre aux seconds et à toujours respecter leurs ordres, à condition que les consignes données n'entrent pas en contradiction avec la règle de préservation des hommes. Nés dans la littérature, ces trois lois inspirent aujourd'hui les scientifiques travaillant dans la robotique. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple, des voix se sont fait entendre pour réclamer un encadrement plus strict de son développement, en s'inspirant justement des pistes couchées sur papier par Isaac Asimov il y a plus de 70 ans, afin d'éviter que les robots soient trop capables, que les robots deviennent trop capables et ne se retournent contre l'humanité. Donc, comme on dit, la troisième règle invite en effet le robot à protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec les autres lois. Or, les travaux menés par Gordon Briggs et Matthias Schutz de l'université de Tufts aux États-Unis nous font justement penser à cette règle qui invite le robot à préserver son existence. Utilisant un robot Nao développé par la société Aldebaran Robotics, ils ont fait en sorte que celui-ci puisse rejeter des ordres venant d'un homme s'il pouvait s'avérer dangereux pour lui. Dans l'exemple, après plusieurs commandes de base comme « assieds-toi », »,« debout », l'un des deux chercheurs demande au robot d'avancer droit devant alors que le bord de la table est proche. Le robot explique à ce moment-là qu'il ne peut pas le faire à cause d'un risque de chute. L'instruction est alors répétée en précisant qu'il sera rattrapé au moment où il basculera dans le vide. Cette démonstration, qui en est presque attendrissante quand Nao refuse de se mettre en danger, vise à montrer l'intérêt de permettre à un robot de refuser une consigne afin d'obliger l'opérateur humain à clarifier son instruction. Elle illustre également la construction de la déduction du robot qui prend en compte les informations délivrées par le contrôleur. L'ordre, par exemple, marche droit devant, a été refusé par la machine face au risque de chute, mais la commande « je te rattraperai » a été dite ensuite. Magnifique. Sautons par-dessus plein de nouvelles que je vous laisse aller lire sur assemblagerequis.com. Passons à la plante bionique qui a des circuits imprimés dans ses feuilles. J'en parlais en introduction de l'émission. La fleur qui valait 3 milliards, bientôt une réalité peut-être. Des chercheurs suédois sont parvenus à faire pousser des roses dotées de circuits imprimés dans leurs feuilles, une découverte qui pourrait avoir plusieurs usages. La fleur cyborg est devenue donc une réalité. Une équipe de scientifiques du laboratoire électronique organisé basé à l'université de Linköping en Suède, et même que tantôt, est parvenue à cultiver de vraies roses dont le système vasculaire comporte des circuits imprimés. Le principal défi de cette étonnante expérience a été de retrouver le bon matériau capable d'être absorbé par la plante durant son évolution et ce sans être empoisonné. C'est un polymère nommé PEDOT-SH, similaire à celui qu'on a dit tantôt, qui a le mieux répondu aux attentes des chercheurs. Celui-ci a été très tôt placé dans la tige des fleurs pour que ces derniers puissent l'absorber. Au final, c'est un fil d'environ 10 cm qui a pris place au cœur du xylème, une partie des tissus végétaux sans intoxiquer la plante. Les chercheurs ont ainsi pu s'en servir comme un transistor. Le projet n'en est encore qu'à ses débuts, mais les chercheurs ont en tête différentes possibilités d'utilisation de cette technologie. Elles vont de l'analyse, la surveillance et la régulation de la croissance des plantes à la possibilité d'utiliser la photosynthèse pour produire de l'énergie, en passant par le changement de couleur des pétales des fleurs. En fait, ça revient un petit peu pas mal au même que tantôt, hein, je pense. Pas mal au même. Une lumière LED sous la peau pour terminer le mal de dos. Grâce à une LED implantée sous la peau, il sera possible d'annihiler la douleur. C'est en tout cas ce sur quoi travaillent des équipes universitaires américaines qui sont parvenues avec succès à soigner des souris grâce à cette méthode. La douleur est un phénomène biologique largement étudié et de longue date. Les solutions les plus fréquemment utilisées impliquent des médicaments à même d'intervenir dans le processus physico-chimique, entraînant la désagréable sensation. Les chercheurs des universités de Washington et de l'Illinois ont toutefois une autre proposition. À l'aide de LED, ils ambitionnent de contrôler les circuits neurologiques à l'origine de la douleur avant que le signal n'atteigne le cerveau. Comment faire? Ben avec de la lumière. L'objectif est en effet de stimuler ou au contraire d'inhiber les cellules en question via une LED. Pour ce faire, il faut au préalable modifier génétiquement ces dernières afin qu'elles réagissent à ces stimulations. Les chercheurs sont ainsi parvenus avec succès à faire en sorte que les souris de laboratoire ne ressentent plus la douleur lorsqu'elles éprouvaient sans dispositif. Une expérience publiée dans le journal Nature. Cette combinaison de manipulation génétique et lumineuse rentre dans le cadre de ce qu'on nomme l'optogénétique, une science prometteuse mais qui se heurte évidemment aux problèmes éthiques liés aux manipulations de l'ADN. Watson, le superordinateur de IBM, se targue de pouvoir prédire quels produits seront les plus vendus à Noël. En plus de détecter les tendances, l'IBM Watson Trend serait aussi capable d'expliquer quel sera votre comportement au moment des achats. Succédant au célèbre Deep Blue des années 90, bien sûr, Watson serait le seul calculateur à pouvoir lire et analyser le langage naturel. En collectant des dizaines de millions de conversations en ligne, le superordinateur détermine les sentiments attachés aux produits par les consommateurs. À la fin de l'équation, un score de tendance entre 0 et 100 qui est censé écarter les simples modes passagères des vraies tendances. Une première étude de novembre a révélé en outre que les appareils réflexes numériques de Nikon, le Lego de Star Wars, la Barbie Hello, le Game Band, un bracelet pour jouer à Minecraft, et l'Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle pour jeux ou films, sont les produits qui produisent le plus d'émulations positives sur le web. Si cette première étape des analyses de Noël pourrait déjà intéresser les industriels et distributeurs, de telles prédictions n'auraient-elles pas pu être faites sans l'intervention de la plus grosse intelligence artificielle de IBM? Un nombre d'articles conséquents sur les listes de Noël amenait déjà à des conclusions similaires, exception faite des montres connectées, qui n'auront étrangement pas retenu l'attention de Watson. C'est peut-être moins populaire que les compagnies aimeraient le croire. Ce qui fait la force de l'énorme calculateur Watson se trouve peut-être plus que dans les résultats bruts, dans sa façon d'expliquer ses choix. Le responsable d'IBM appelle ça l'histoire derrière la tendance. Si le Nikon DSLR est susceptible d'être acheté à Noël, c'est que le nombre toujours croissant d'utilisateurs de smartphones se découvre souvent en même temps une passion pour la photo, prenant goût à la bataille des meilleures résolutions, et ils décideront prochainement d'investir dans un matériel dédié plus performant, nous dit Watson. Partout, en ce moment, tout le monde que je connais, on dirait, s'achète un appareil photo de bonne qualité en ce moment. Les aficionados, les plus pointus du mégapixel, iraient plutôt voir, eux, du côté du Alpha 7RII de Sony, ou 2, j'imagine. La machine prévoit ainsi que le futur acheteur du Lego Star Wars succombera également au Lego Friends, ainsi qu'au Lego City, afin d'étoffer son achat, confirmant la tendance exponentielle du jouet unisexe. Apple prévoit utiliser des écrans organiques pour ses futurs iPhones. Le géant américain du matériel informatique Apple prévoit utiliser des écrans organiques électroluminescents, donc OLED, sur de prochaines générations d'iPhones, ce qui risque de nuire à des fabricants de LCD japonais. Je vous laisse aller lire l'article sur assemblagerequis.com. Il y a aussi un internaute qui a été reconnu coupable par la justice d'avoir permis de télécharger des logiciels et systèmes d'exploitation gratuitement, et sa condamnation serait, selon le web, de publier une vidéo contre le piratage. En République tchèque, la justice a trouvé un moyen original de condamner un internaute pour téléchargement illégal, et il a été reconnu coupable d'avoir permis le partage de nombreux logiciels et systèmes d'exploitation, en particulier plusieurs versions de Windows, sans autorisation des éditeurs. Jacob F. ne pouvant pas payer la forte amende qu'il aurait dû recevoir, la Business Software Alliance, représentante des éditeurs, a demandé à ce qu'il publie une vidéo incitant les internautes à ne pas télécharger illégalement. Le document met donc en avant la vie passée de cet homme et ses regrets. En principe, la justice avait imposé une condition à cette peine, donc la peine tribunale. Voilà. La vidéo devait atteindre les 200 000 vues par YouTube. Le pari est déjà atteint puisqu'elle totalise plus de 440 000 visionnages jusqu'à maintenant. Évidemment, si on va voir sur YouTube, on est rendu à 1 026 000 en date du mercredi 2 décembre. Le télétravail aurait des conséquences positives sur la qualité de vie. S'il n'est pas encore totalement implanté, donc partout, le télétravail possède des qualités. Une étude dresse les conséquences positives de cette méthode d'organisation professionnelle. Une enquête BVA réalisée pour le compte de la société de conseil Sémaphore Entreprises du groupe Alpha vient dresser la liste des conséquences positives du télétravail. Outre l'impact de cette méthode sur l'environnement, cette organisation aurait des effets positifs grâce à une diminution des déplacements et au maintien d'emplois dans les territoires isolés. L'étude précise qu'à ce jour, 20% des actifs interrogés, donc 1267 actifs, dont 469 hors de leur bureau, télétravaillaient au moins 2 jours par mois, une proportion qui monte à 32%, en région, on dit parisienne ici, donc je vais le dire. Toutefois, 55% des salariés n'ont jamais travaillé de cette façon et ne l'envisagent pas. Parmi les personnes qui le pratiquent, le télétravail a des conséquences positives sur la qualité à 74%. Les conditions de travail 68%, la santé à 66% ou encore l'efficacité à 65%. Le télétravail comporte également des aspects négatifs en termes d'évolution de carrière, de relations avec ses collègues et enfin le manque de lien avec l'entreprise figure parmi les inconvénients de cette organisation. Allons-y j'avais envie de parler de ça, pourquoi pas, tout le monde en a parlé, mais est-ce que les gens sont revenus se corriger eux-mêmes? On a tous entendu parler de l'histoire de l'Australien Fuck That Bitch, hein, un Australien qui a trompé le web entier en se faisant passer pour une personne nommée Fuck That Bitch, un nom qui aurait provoqué son éjection de Facebook. L'histoire cachait en réalité une vaste plaisanterie. Fuck that bitch qu'on prononce en anglais, c'est ça, comme ça, mais qu'on devrait prononcer selon les articles d'une autre façon, on s'en fout un petit peu. Donc, l'Australien qui s'était attribué ce nom se nomme en réalité Tinley, réside à Melbourne, en Australie, à 23 ans. Mi-novembre, un passeport présentant le patronyme peu commun accompagné d'un message publié sur Facebook était devenu viral sur Internet. Le dîner de con avait parlé ici même assez fou. Un internaute expliquait qu'il s'était fait bannir du réseau social en raison de son nom et souhaitait prouver par l'intermédiaire de sa pièce d'identité qu'il ne mentait pas sur son identité. Évidemment, on est rendu en 2015. Je pense que Photoshop est capable de... On est capable avec Photoshop de faker ça. Donc, c'était le cas. Les internautes, comme bon nombre de médias, ne s'en sont pas rendus compte que c'était faux. En réalité, Tinley avait publié cette plaisanterie sur Internet en janvier dernier et cette dernière ne s'est pas diffusée que récemment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. L'un des principaux facteurs qui ont poussé de nombreuses personnes à se faire avoir tient probablement dans la réputation oui, qu'a Facebook en matière de nom réel. Le réseau social pouvant se montrer sévère avec les utilisateurs qui se cachent derrière les pseudonymes. Un procédé qui a des ratés. Récemment, une utilisatrice nommée ISIS a vu son compte bloqué. ISIS, c'est le terme pour Daesh ou l'État islamique. Malgré tout, nombreux sont les internautes qui avaient des doutes. Le supposé fuck that bitch a notamment toujours refusé les demandes d'interview car il n'a jamais fourni de preuves réelles de son identité, donc version papier. Et au final, l'histoire était taillée pour faire parler, pour faire réfléchir en quoi le créateur. Voilà, c'est tout pour CNX. On sait que le palmarès des jeux vidéo les plus loués. Position 10, Need for Speed sur Xbox One. En 9e, NHL 16 sur Xbox One. En 8e, Fallout 4 sur Xbox One. En 7e, Need for Speed sur PS4. En 6e, Star Wars Battlefront sur Xbox One. En 5e, NHL 16 sur PS4. En 4e, Fallout 4 sur PS4. En 3e, Call of Duty Black Ops 3. Les chiffres sont en anglais ou en français, dépendant de la phrase, apparemment, sur Xbox One. En 2e, Star Wars Battlefront sur PS4. En première place, c'est Call of Duty Black Ops 3 sur PlayStation 4. Voilà pour les jeux les plus loués en club vidéo. On y va avec du chiptune, avoir le temps de revenir rapidement. C'est une petite pièce de 1 minute. Juste après ça, on se dit au revoir. Voici Funky That Team par Mew MPS. Le Mathieu Plante Show, ouais, c'est fou. Par Mew. C'était Funky That Team au Mathieu Plante Show et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h, on rappelle les jeudis à 13h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 et au Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec Metal Man's Revenge, Mega Man 2 Intro Theme Rework, donc un remix d'une pièce de Mega Man 2 par Kuro. Voilà, Kuro, de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et de Mathieu Plante, ainsi que Samuel Girard. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!